Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. On a appris il y a deux jours environ que Berlin, dans le New Hampshire, va se joindre à la Ligue nord-américaine de hockey. Question de savoir un peu comment que ça va et comment l'annonce a été prise à Berlin et s'il est confiant. On parle avec le maire de Berlin qui parle bien français, M. Paul Gagné. Bonjour, M. Gagné. Bonjour. On va vous faire parler en français un peu. Mon français, c'est comme ci, comme ça. Je vais essayer de faire le meilleur que je peux faire. Mais ça va être le fun, parce que je parlais avec votre secrétaire, Mme Suzanne Tremblay également, qui parlait français. Et Mme Tremblay me disait qu'elle était mariée avec un gars de Sherbrooke. Vous avez appris votre français à quel endroit? Quand j'étais jeune, il y avait un gros des écoles catholiques. Puis, OK. C'était tout en français. Ça fait que c'est là que j'ai pris mon français. Aussi, ma maison, quand j'étais jeune aussi, c'était tout le français. Ça fait que ça fait des années que je ne le lis pas Je lis pas mon français comme si j'aimerais. Oui. OK, effectivement. Mais c'est pas grave. Écoute, on va vous donner la chance. Puis je sais que mon collègue Michel Tifot va vous faire une entrevue également. Monsieur Gagné, comment vous voyez ça l'arrivée d'une équipe de la Ligue nord-américaine de hockey à Berlin? Ben, ça, c'était un lancement que j'étais bien content. Le jeu de hockey à Berlin, c'est encore quelque chose qui est engrainé dans la ville. OK. Puis ça va être bien populaire. Ah oui, OK. Est-ce que, dites-moi, avant l'arrivée de la Ligue nord-américaine, il y avait une équipe semblable qui jouait dans un calibre? On a eu une équipe, les River Drivers, dans okay. la Ligue fédérale. Puis la première année, c'était difficile. Ça fait qu'on rentrait dans la ligue tard. Okay. Puis on n'était pas préparé pour les expériences. Puis l'équipe voulait y aller jusqu'à Illinois pour jouer du hockey. Ça fait que les expériences, puis c'était tough. La deuxième année, c'était justement égal, les expériences puis l'argent qu'on a eu avec les billets puis des sponsors. Ça fait que je suis bien confiant. OK. Ça va bien renaître cette Berlin. OK. Dites-moi, les hommes d'affaires, est-ce que c'est qui sont derrière la concession? Est-ce que c'est des gens sérieux? Oui. Oui? OK. Oui, c'est bien sérieux. Je suis justement... Vous pouvez parler... Il y en a une couple de gars qui rennent l'aréna à Berlin, puis je suis partie de ce groupe des hommes-là aussi. OK. Berlin, c'est une ville de combien d'habitants? À peu près 10 000 personnes. 10 000 personnes, OK. Oui. OK. L'économie, comment qu'elle vit? L'économie, c'est ça commence à... Pour une escouche, là, c'était pas mal tough. Les moulins de papier, ils ont tout fermé. Mais ça commence à revivre un peu. C'est pas si difficile que c'était à peu près 7-8 ans passés. OK. Dites-moi, au niveau des commanditaires, est-ce que pour l'équipe de Berlin, ça va être facile à trouver? Est-ce que ça va être ou ça va être assez difficile? Ou comment vous voyez ça au niveau des commanditaires? Moi, je vois ça. Ça va bien. Le monde va bien apprécier du bon hockey. OK. OK. Donc, les commanditaires auront pas de misère. Dites-moi, du côté maintenant, est-ce que vous avez, il y a un plan à l'arrière de ça? Est-ce que vous avez fait partie des négociations avec la Ligue nord-américaine pour installer une équipe là-bas? Parce que moi, ce que je vois quelque part, c'est que si vous êtes seul, c'est vous à l'échec. Si vous ajoutez une concession pas loin de Berlin, ça pourrait être Lewiston ou je sais pas moi, une autre ville, là, ça pourrait être intéressant, là. Est-ce que vous avez fait des approches de ce côté-là d'amener notre équipe bientôt? Je sais qu'on a parlé de la Winston. Ben, les gars qui ont travaillé pour rentrer Berlin dans la Ligue, ils voient Lewiston comme c'est une ville de ça, de Berlin. Okay. Il y a des années passées, des vingtaines d'années passées, Berlin puis Lewiston, ça c'était une grosse rivalry. OK. C'est à combien de kilomètres, Berlin de Lewiston? C'est à peu près 120 kilomètres. Ah, fait que il faut vraiment que ça s'installe. Ouais. Il faut vraiment que ça s'installe là à Lewiston là quelque part là. Il faut vraiment qu'il y ait une concession à très court terme qui s'installe, parce que moi je vous dis là, je pense que c'est voie à l'échec si jamais il y a pas d'autres équipes là, parce que c'est le transport et ainsi de suite là. Est-ce que ça va être facile à trouver Ah, ben je prends en charge des joueurs. Ma job, c'était pour aider. Okay. Chez Delmonto, venez célébrer les 100 ans de camion Chevrolet ça va être assez quand même facile à trouver. Dites-moi, du côté, mais en terminant, donc j'imagine qu'on est content à Berlin. Est-ce que les joueurs vont être payés en argent américain? Sûrement, hein? Je pense que oui, hein? OK. Est-ce que vous prévoyez quand même que ça pourrait être difficile pour certains joueurs de traverser les douanes? Ça va être difficile la première fois, mais après ça, ça allait être pas pire. OK. Donc, ça va être intéressant. Ben, monsieur, félicitations pour votre français. C'est pas mal le fun d'avoir un maire qui parle français aux États-Unis. Ah, dites-moi, en terminant, Worcester, c'est-tu bien loin de Berlin? Que c'est, non? Worcester, ou ce que les Fisher Cats, parce que moi, je suis un grand amateur de baseball. Ça, c'est un boîte, ça. OK. Ça, c'est à peu près 3h30 par auto. OK. C'est un moyen boîte, ça. OK, donc c'est un bon boîte. Parce que l'état du Hampshire, c'est un état quand même assez grand, quoi. Nous autres, à Sherbrooke, ça prend 1h30, 2h. OK. À Montréal, ça nous prend à peu près justement 3 heures. Ah, c'est pas si pire. Par auto. C'est en proche. OK. C'est proche. OK. Donc, c'est quand même pas si pire. Donc, ça va bien se faire pareil. Là. Ben, monsieur Gagné, on va peut-être avoir l'occasion de se parler un jour. Puis, félicitations quand même pour Berlin. On va surveiller évidemment ce qui va se passer là-bas. Bon, merci beaucoup. Puis, je suis bien excité pour ce bon hockey. Ben, on a bien hâte de voir ça. Donc, c'était le maire de Berlin, Paul Gagné.